Racontez pas n'importe quoi. Elle avait certes un penchant pour la boisson, mais je doute qu'elle ait organisé une soirée chez les amis à elle pour ce seul prétexte. Non, non, si elle avait voulu se saouler, elle l'aurait fait tranquillement chez elle. Reprenez les éléments calmement et revenez vers moi quand vous en saurez plus.